passage pour un ma vie. Maintenant, je ne sais plus. En chemin, je me suis perdu. Je me retrouve seul avec ma dépression. Tout posé sur le seuil à me poser des questions. Toujours les mêmes idées noires qui reviennent à me demander sans cesse à quoi ça mène. J'avais tout plein d'idées et envie de faire en cause. Maintenant je m'aperçois qu'il n'y a aucun avenir. Que les individus comme moi sont condamnés à pourrir. C'est comme ça, te pose plus une question, tu crèveras. Tout seul avec tes opinions, c'est comme ça. Pose plus une question, tu crèveras. Tout seul avec tes opinions. Mes idées disparaissent. Mes copains sont sur les quêtes zones, en train de se mettre une caisse. Le visage enjoué, j'enfile mon perfecto. Descends les escaliers, fini la semi-rancho. Je démarre mon kangou, il ne me reste pas beaucoup d'essence. Et je n'ai plus un sou, bah faut pas que j'y pense. Just